Bonjour, bonjour, vous avez du hip-hop frais? Ah oui, je suis là. Ah, oui, il est bien celui-là. Voilà. Bon. Vous le préparez comment, vous? Oh ben, facile, à l'inspiration. Hein. Ah d'accord. Moi, ce que je fais, je jette une bonne poignée de sable, bien claquant, bien frais, dans une poêle bien chaude. Ah oui. Et ensuite, je mixe ça pendant des heures. Ah, ça doit être un vrai régal. Rap artisanal de premier choix, c'est moi qui tiens les rênes. Je fais tout pour être bien servi, il faut le faire soi-même. Désolé si je ne rentre pas dans vos critères. Désolé si je n'aime pas votre son et vos sales manières. Je crois que j'ai passé l'âge et sans me faire d'éloge, le rap est un domaine où je peux l'ouvrir en large. Pourquoi je m'énerve? Mais on m'a conseillé de le faire. Et vu que j'ai ça en moi, il est inutile de le taire. Recherche échouée pour concept, j'ai rien trouvé d'autre que de rester frais. Sans artifice, vise et pas le flawless, pour ne faire que revendiquer ma zone ou tirer sur la police. J'en perds mes repères, tout ce marketing. Et je remarque, y'a trop de MC qui deviennent des marques. En ce moment, les collectors sont en solde. Fini les portes des disques d'or pour des putains d'iPod. Alors c'est ça que t'aimes quand ça envoie dans le mic. Ils jettent le nonos et toi tu lâches le fric. Ces gars depuis n'habitent plus dans ton quartier. Comme tes faux MC, les vrais sont sans pitié. Alors c'est ça que t'aimes quand ça envoie dans le mic. Ils jettent le nonos et toi tu lâches le fric. Ces gars depuis n'habitent plus dans ton quartier. Comme tes faux MC, les vrais sont sans pitié. Alors c'est ça que... MC Bidule, qui sait, je ne sais pas ce qui se fait. Mais c'est que peu d'entre eux en fait me font kiffer. La langue française sur ce coup-là a le mauvais rôle. J'écoute les ricains parce que je comprends pas la moitié de leurs paroles. Ici c'est pareil, ça parle de gang et d'oseille. C'est chaud et c'est même pas foutu de mettre son réveil. Ça parle pas politique parce que trop technique. Et que la moitié du pays risque de ne plus acheter leurs disques. Tout en poussant des phases de passage, préfère avec ses confrères chambrer la clarté de ton bronzage. Le rap fasciste petit à petit s'installe. Y'a quelques petits nazions mais personne n'en parle. Sauf toi à toi-même avant de penser aux autres. De toute façon dans le rap tu restes tu n'auras qu'un apôtre. Oh Mike, je te bouffe comme les restes d'un kebab. C'était le toubab et la ragla qui va avec. Alors c'est ça que t'aimes quand ça aboie dans le mic. Ils jettent le nonos et toi tu lâches le fric. Ces gars depuis n'habitent plus dans ton quartier. Quand t'es faux MC, les vrais sont sans pitié. Alors c'est ça que t'aimes quand ça aboie dans le mic. Ils jettent le nonos et toi tu lâches le fric. Ces gars depuis n'habitent plus dans ton quartier. Quand t'es faux MC, les vrais sont sans pitié. Pourquoi tant d'animosité envers les animaux de cité? Certains sont bien dressés pour pas les citer. La misère a sévit, donc faut pas les exciter. Les combines pour mieux vendre, ils pourraient les réciter. Plébiscité par tes proches pour le contenu de tes poches. Ne leur tourne pas le dos ou ils te préparent un truc moche. C'est roche, écoute, qu'est-ce qu'il veut que je te dise? Il semblerait que la convoitise attise la bêtise. Y'a plein de failles dans le système, même il est pour eux. Et si tu fais aucun travers, tu resteras pauvre. Inscription sur liste VIP, ton nom tu les pelles. Car si tu roules pas en bête, les bêtes. Oh et puis vous me faites chier, mettre à la variette ou rap inconscient. Brûle ta caisse, il faut que ça pète. File-moi des pépettes, ça rien foutre, c'est net. Ça me gonfle en fait, je crois qu'il faut que j'arrête. Alors c'est ça que t'aimes quand ça aboie dans le mic. Ils jettent le nonos et toi tu lâches le fric. Ces gars depuis n'habitent plus dans ton quartier. Quand t'es faux MC, les vrais sont sans pitié. Alors c'est ça que t'aimes quand ça aboie dans le mic. Ils jettent le nonos et toi tu lâches le fric. Ces gars depuis n'habitent plus dans ton quartier. Quand t'es faux MC, les vrais sont sans pitié. Alors c'est ça que t'aimes. Quand on débarque, c'est pour foutre le loyer. Je m'ouvre sur la scène comme sur un champ de bataille. Mais ne crois pas qu'avec moi le mic est s'oxyde. J'adopte le furus style when I proceed. Yeah. Si j'étais avec le MICRO, j'te donnerais une mini, mini maximo. Yo, quand j'arrive pile poil pour m'incruster sur le flow. Tous les racailleux, les merdeux font plus les beaux. Tchik tchik blow. Dès que j'prends ce jacko, j'combats ton cerveau façon Yanso. Si t'es Kung Fu style, j'te mets au calypso. Le psycho sort sa démo même en impro. Hey yo, j'ai failli les paroles seules car son hymne sonne bonne au microphone. J'assaisonne de tonnes de textes qui cartent en on. Tous ceux qui sont de passage repartiront ensuite au carnage. Car j'ai la rage en âge, faire du tapage aussi. Tourner la page et y'a sache. Si je me fâche, les tâches peuvent se cacher. Je défendrai ton ou ta ralage. Mais quand même, il faut pas que tu marches des mots. Et psycho serait un petit bouge de huc. On mettait pas son statut juste en faisant un duc. Parce que je suis dangerous, yes, dangerous. Pour ceux qui ont la banane, ils cuirent les vistros. Qui écoutent trop de conneries, Jartoni ou Fanny sont encore moins à blâmer que les boys bêtes, Jart to be free. Et je passe sur les connasses qui chantent des textes à l'eau de rose. Qui savent même pas écrire et même faudrait qu'elles fassent autre chose. Passons enfin au PD, qui se prennent pour des MC. Si t'aimes, c'est que t'as rien de pigé, pigé. Tout le temps d'essayer de te raisonner.